Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Tu es sur la chaîne où l'on parle d'investissement rentable et sécurisé. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler d'une erreur que j'ai commise et qui m'a coûté plusieurs centaines de milliers d'euros et qui m'a fait perdre environ 7 ou 8 ans dans mon parcours d'investisseur immobilier. Pour commencer cette nouvelle vidéo, si tu ne me connais pas, je m'appelle Damien, j'ai créé la chaîne Esprit Gagnant pour aider le maximum d'investisseurs à devenir rentables et à ne pas faire les mêmes erreurs que moi. J'ai mis en place une formation sur l'investissement locatif de A à Z. Le lien se trouve dans la description de la vidéo, tu pourras le trouver au-dessus ou en dessous de la vidéo. Tu me mets ton prénom et ton email et je t'envoie la formation immédiatement. Donc cette vidéo elle est un peu particulière parce que je vais te parler de moi, je ne vais pas pour une fois te donner les 5 astuces, les 3 pépites ou les 3 méthodes pour faire de l'immobilier rentable et dégager le maximum de cash flow, mais juste te parler d'une erreur que j'ai commise et qui m'a fait perdre plusieurs centaines de milliers d'euros et qui m'a fait perdre environ 7 ou 8 ans dans mon parcours d'investisseur immobilier. En effet, tu vois beaucoup de personnes, et moi le premier sur Internet, te dire qu'il faut faire des gros cash flow, qu'il faut multiplier les investissements immobiliers, qu'il faut faire plein de choses. Et puis des fois, ça fait du bien quand même de te parler de nos erreurs parce que du coup, tu as l'impression que tu es le seul à douter, que tu es le seul à potentiellement avoir fait des erreurs. Mais tous ceux qui te parlent, en fait, se sont cassés la figure à un moment, ils se sont cassés les dents pendant quelques temps, plusieurs mois, plusieurs années. Tu n'en as aucun. De ceux qui te parlent sur, par exemple, sur les chaînes YouTube, tu n'en as aucun qui tout de suite a fait un investissement, a fait plus de 100 000 euros, l'investissement d'après plus de 200 000 euros et 3 mois plus tard, il était à plus de 1 million. Non, on s'est cassé les dents. Pour différentes raisons, et moi je vais te parler de la raison principale pour laquelle je me suis cassé les dents. Je vais te mettre dans la description, je vais te mettre une vidéo, une interview que j'ai fait avec Goulwenn Tristan où je parle de mon parcours beaucoup plus en détail. Donc je te laisse regarder cette vidéo si tu veux mettre cette vidéo sur pause et regarder cette vidéo où Goulwenn m'interroge sur mon parcours d'investisseur immobilier. Et dans cela, je parle un petit peu d'où je viens, ce que j'ai fait et par où ce que j'ai commencé comme investissement immobilier. On va remonter 13 ans en arrière. Je viens de finir mes études. J'ai eu un CDI. Et du coup, mon interrogation n'était pas de faire des investissements immobiliers. C'était juste de savoir est-ce que j'achète ma résidence principale ou est-ce que je pars en location. Mais pas du tout derrière, si je pars en location, de faire des investissements immobiliers. Parce qu'aujourd'hui, tu vois beaucoup de choses sur Internet et je suis d'accord avec en partie que tu peux aller en location. Si derrière, tu fais de l'investissement immobilier, c'est plutôt intelligent même d'aller en location dans un premier temps, selon là où tu habites. Par contre, moi, c'était vraiment soit location, soit résidence principale, mais en aucun cas investissement immobilier. Donc, j'ai choisi la résidence principale, d'acheter ma résidence principale. Je me suis endetté à pratiquement 40%. Et en fait, pourquoi je te dis que j'ai perdu plusieurs milliers d'euros, c'est qu'en fait, pendant des années, donc environ pendant 8 ans, 7 ans ou 8 ans, j'ai été complètement bloqué par cet achat que j'ai appelé toxique. Parce qu'en fait, du coup, je ne pouvais pas du tout acheter autre chose, donc ni faire un investissement immobilier, ni acheter une autre résidence principale plus grande. J'étais à une période, je me rappelle très bien à cette période-là, je regardais sûrement comme ce que tu fais, c'est-à-dire j'essayais de gratter soit des vidéos, mais il n'y en avait pas encore énormément, soit des textes sur Internet, des blogs, c'était plutôt les blogs avec des articles écrits. J'essayais de regarder le maximum de choses et de me faire mon idée par moi-même. À cette époque, à aucun moment je me serais dit que je devais payer pour accéder à de la formation, pour aller à des séminaires sur l'immobilier, enfin, je me rappelle encore, à cette époque-là, jamais de ma vie, je me serais dit que j'allais payer ne serait-ce que 100 euros pour apprendre quelque chose que j'étais sûr de pouvoir apprendre gratuitement sur Internet. Pour moi, j'étais sur la bonne voie pendant tout ce temps-là parce que je ne voyais pas que je perdais entre guillemets de l'argent parce que je n'investissais pas. Et donc, ça ne me gênait pas. Et juste à un moment, ça a commencé à me gêner quand j'ai voulu changer de résidence principale, acheter plus grand et que je me suis rendu compte que j'étais complètement bloqué pour pouvoir acheter quelque chose de plus grand. Je ne parlais même pas d'investissement immobilier parce que très honnêtement, à ce moment-là, ce n'était pas du tout dans mon esprit, j'étais pas du tout avec un état d'esprit d'investisseur, mais ne serait-ce que juste d'acheter plus grand. Je ne pouvais même pas, quoi. Je n'avais pas d'épargne, je ne pouvais pas acheter plus grand, je n'avais pas une énorme capacité d'emprunt, j'étais déjà assez endetté. Et là, du coup, à un moment, humblement, je me suis dit que si j'en étais arrivé là, si j'étais bloqué, c'est que sûrement, je n'arrivais pas à me débrouiller tout seul. C'est vrai que j'ai commencé, du coup, à lire des livres, à faire des formations, à aller à des séminaires. Et en fait, à juste bosser comme on bosserait. En fait, je suis assez scolaire. Donc, à l'école, j'étais plutôt brillant pendant mes études supérieures. Et j'ai jamais eu trop de problèmes parce que pour moi, du coup, tu passais à l'école, tu apprenais, tu faisais tes exercices, tu faisais l'examen et c'était bon. Et en fait, pour l'immobilier, je m'étais dit, j'étais parti du principe que ça allait pas se passer comme ça, que je pouvais tout apprendre tout seul. Et à un moment, je me rappelle encore, à un moment, je me suis dit, ah, c'est pas possible, ce que tu fais là, ça marche pas. Enfin, rends-toi compte que tu crois quelque chose de vrai, mais si c'était vrai, tu serais pas bloqué aujourd'hui. Du coup, j'ai commencé à me former et c'est là que j'ai commencé à payer des formations. Au début, honnêtement, ça m'a fait vraiment mal de mettre de l'argent pour des choses où j'étais persuadé que je pouvais me débrouiller tout seul. En fait, j'ai mis de l'argent et ça m'a permis de savoir comment on pouvait se créer une bonne affaire, par exemple. Ça m'a permis, si tu vois l'interview et j'en parle de temps en temps, ça m'a permis de faire une plus-value sur ma résidence principale de plus de 150 000 euros, ce qui est relativement énorme. J'ai fait environ 15 000 euros de travaux et j'ai fait 150 000 euros de plus-value. Et ça, effectivement, je ne l'aurais pas fait tout seul parce qu'il faut apprendre certaines bases de comment se créer une bonne affaire, comment faire des travaux, comment optimiser, comment aménager. Tout ça, on n'arrive pas à le faire tout seul. Et ce que je te fais juste cette courte vidéo pour te montrer que là, aujourd'hui, je te parle de choses qui sont pour moi logiques. Ça fait comme des évidences et je reçois beaucoup de mails de personnes qui ont beaucoup de questions, qui disent que ce n'est pas fait pour eux parce qu'en fait, ils ont plein de questions et qu'ils ne sont pas sûrs d'y arriver. Mais dis-toi que toutes les personnes qui se permettent aujourd'hui de faire des vidéos, de faire des formations, d'ouvrir des clubs privés, de faire des masterminds, bah, ils étaient comme toi, exactement comme toi au moment où ils ont commencé et peut-être même plus bas que toi. Hein, si tu remarques, si tu me suis dans les vidéos, je parle toujours de cette première marche. Il ne faut pas se louper quand on franchit cette première marche. Et pourquoi je suis si pointilleux sur cette première marche? C'est que moi, je me suis cassé les dents sur cette première marche et que pour moi, ça m'a coûté plusieurs milliers d'euros. J'estime qu'un investisseur moyen peut environ acheter un bien par an. Un bien à 100 000 euros, moi, j'ai perdu environ 6-7 ans, j'ai perdu minimum 600 ou 700 000 euros. Voilà, c'est comme ça que je te dis que mon erreur de penser que j'allais tout faire par moi-même, tout apprendre tout seul, m'a coûté plusieurs centaines de milliers d'euros. J'estime ça à minimum 6 ou 700 000 euros. Car tu verras vite si tu te formes, si tu te fais entourer par des investisseurs expérimentés, qu'en fait, ce n'est pas si compliqué que ça d'acheter un bien par an. Et que si tu commences à 20 ans, à 30 ans, tu auras 10 biens. Donc voilà, cette courte vidéo, c'était pour te parler de moi, pour te montrer qu'en fait, on fait tous des erreurs. On a tous des doutes. Mais ce qu'il faut à un moment, c'est laisser ces doutes derrière soi et se lancer, passer à l'action. Et à un moment, tu vas avoir un discours qui va te plaire d'un gars sur une chaîne YouTube. Alors j'espère que ce sera moi. Mais limite, si ce n'est pas moi, peu importe. Parce que moi, le plus important, c'est que tu arrives à devenir un investisseur rentable. Si ce n'est pas avec moi, mais c'est avec un autre investisseur expérimenté qui a plein de bonnes valeurs, alors ça me va. Parce que moi, je fais ça pour que tu sois quelqu'un qui va faire des investissements rentables, dans le temps, qui va te faire de l'argent aujourd'hui, qui va travailler ça rapidement pour te créer un empire immobilier et te permettre d'être indépendant financièrement le plus rapidement possible, le plus tranquillement possible. Donc, c'est juste pour te montrer qu'on a tous les mêmes questions, qu'on a tous fait des erreurs et que la seule différence, c'est qu'à un moment, on a travaillé notre état d'esprit. Hein, on s'est créé un état d'esprit de gagnant. On a changé notre câblage interne pour montrer qu'en fait, c'était possible. C'était pas facile, mais c'était possible. Il fallait se former, s'entourer, participer à des séminaires, augmenter son réseau, ses connexions, c'est super important. Aujourd'hui, c'est magnifique parce que c'est assez facilement réalisable grâce aux réseaux sociaux. Maintenant, si tu es intéressé, j'ai mis en place un club privé dans lequel je vais t'accompagner personnellement. On fait du coaching individuel, on va faire des coachings collectifs. Je t'accompagne dans tes projets. Dès que tu as le moindre projet, dès que tu as une annonce immobilière, par exemple, j'ai mes membres, je leur ai dit de faire ça, ils m'envoient leur annonce, ils m'envoient les critères par rapport à cette annonce-là, et je leur dis si ça vaut le coup d'aller vers une négociation. Et dans ces cas-là, on discute ensemble de la négociation. Et puis, je vais leur donner tous mes outils pour pouvoir bien négocier avec le vendeur, avec l'agent immobilier, avec la banque. Donc, si ça t'intéresse de rejoindre ce club privé qui va te permettre juste de gagner des années d'expérience et des milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail ou me laisser un commentaire. Je te donnerai toutes les informations sur le club pour y adhérer. C'est une adhésion à l'année, ça coûte vraiment pas grand chose par rapport à ce que ça peut te rapporter. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un gros like, partage-la à des amis qui sont intéressés par l'investissement immobilier. Mets-moi un commentaire hein, pour me dire si toi aussi tu as fait des erreurs et quelles sont ces erreurs-là. On partage, on interagit. Et tout cela me permet de remonter dans les moteurs de recherche de YouTube et de faire savoir au plus grand nombre qu'Esprit Gagnant est là pour aider les investisseurs à devenir rentables. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, bah, tu peux t'abonner immédiatement pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. C'est du contenu totalement gratuit. tout cas, d'ici là, je te dis, passe à l'action, travaille ton état d'esprit d'investisseur et à très bientôt. Ciao, ciao!